Je suis amoureux d'une jolie fée bleue. Je suis bien heureux. Je suis amoureux. Elle est très jolie avec ses grands pieds plantés sur deux quilles au mollet d'acier. Avec un pépette gros comme un ballon, un nez en trompette tout à fait mignon. Je suis amoureux d'une jolie fée bleue. Je suis bien heureux. Je suis amoureux. Elle a des oreilles, c'est très amusant. Tout à fait pareil aux grands éléphants. Ses cheveux carottes coiffés en pétard sentent la cocotte et le nénuphar. Je suis amoureux d'une jolie fée bleue. Je suis bien heureux. Je suis amoureux. Elle est magnifique, j'adore ses baisers. Et bien qu'elle pique, j'aime l'embrasser. J'irai voir son père pour lui demander cette main si chère que je veux garder. Je suis amoureux d'une jolie fée bleue. Je suis bien heureux. Je suis amoureux.